tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Tu peux attendre des manches se branler si tu penses me faire enculer. À nouveau, Mélina 94 alias Yasmine. Désolé les amis, hein, j'ai la voix cassée, hein, désolé. Mais on va vous parler d'un mec qui vient d'arriver dans le réseau 75. Il s'appelle Ilias, alias Geladal. Un gros cassos du R, un gros cassos du R. Moi je le connais Ilias depuis peut-être 5-6 ans parce qu'il était dans le 32-14 à l'ancienne. Et après quand il est venu ici, il a dit qu'il s'appelle Geladal, mais je l'ai reconnu direct. C'est un mec de 18ème, ça fait à peine 10 ans qu'il est en France. Il m'a dit arrête d'inventer des mythos aux gens. Je dis non, c'est la vérité. Dans 32-14, il s'est fait mettre à l'amende partout. Non. Charline Gaz, tout ça, mais je peux en parler, il n'y a pas de problème. Il s'est mis copain avec son ex, tout ça, qui s'appelle Gabi 92, alias Youssef. Bon, bref. Ce mec-là, je l'ai connu aussi. Hein. Je ne l'ai jamais vu peut-être, mais jamais j'ai voulu le voir. On n'a fait que parler ensemble. Il était dans un autre réseau qui s'appelle le 3214, hein, les amis. Vous pensez bien que vous le connaissez peut-être, hein, ce réseau. Donc là, c'est un vieux blédard qui vient d'arriver d'Algérie pour venir en France. Ça fait à peine 10 ans qu'il est là, Geladal. Et aujourd'hui, il est de messe avec le fameux Gabi, Youssef. Et il me taille. Dès qu'il m'entend, il me taille. Il dit que je me suis mise du côté des fachos. Et je lui ai dit non. Moi, tu m'as vendu. Je t'ai entendu en sous-marin comment t'étais. Tu parlais de moi. Moi, je t'ai parlé de toi. Normal. C'est toi que c'est ta fille. Tu m'as parlé sur moi. Eh oui, mon petit Juliette. C'est vrai, t'aurais eu plein les fesses maintenant par Malina. Moi, je te dis une chose. Je vois ma photo quelque part. C'est pas après toi que je vais m'en prendre, mon petit. C'est dans le 18e arrondissement de Paris, à Barbès. Mais moi, c'est pas après toi que je vais m'en prendre. Je me dis à Youssef Bip. Parce que moi, je déteste qu'on me la mette à l'envers. Devant, t'es gentil. Et par derrière, tu parles sur moi. Il y a même pas plus tard que la semaine dernière. Je pouvais pas me connecter parce que c'est vrai que ma voix, je l'avais vraiment perdue. Mais qu'est-ce que tu faisais, toi, avec tes petits compatriotes faux musulmans, faux mécréants? Hein? Tu faisais quoi? Hein? Bah, tu parlais sur moi. Bilou, là, soi-disant, tu parlais avec Soulange, tu parlais avec des meufs qui m'ont parlé sur mon dos. Mais c'est pas grave. Moi, je vais pas arrêter, je vais pas continuer mon enregistrement sur toi. Moi, je suis là pour parler surtout des putes du réseau, hein. La Soulange, surtout la mécréante. Ah oui, Ilias, je voulais te dire une chose très importante. Arrête de jouer le vrai musulman, d'accord? Pour moi, tu n'es qu'un faux musulman en carton. Tu n'es qu'un faux blédard. Qu'un faux blédard qui a quitté son pour venir en France pour leur gratter les allocs aux Français. Moi, je vais attendre ici pendant le ramadan. Je serai là en sous-marin. Mais j'en suis sûr que tu mettras ta censure. Au ramadan, tu vas le casser comme ça, toi. En mettant ta censure, c'est pas grave. Moi, je suis pas là, je te dis. Quand des mecs comme toi, j'en ai tellement connu, moi, des blédards. Si tu savais, mon pauvre Ilias. Moi, je te dis une chose. Si Abby t'envoie des choses sur moi, moi, je ne prendrai pas à toi. Moi, dans le 18ème, hein, t'as vu, il n'y a que les montagnes qu'elles ne se rencontrent pas. Mais je m'en prendrai à Youssef. Mais comme je l'ai dit à Desirlette, moi, je suis pas là. Je suis pas là que pour parler de vous, les bandes de mecs créés en carton. Que ce soit les rebeux, là. La meuf, là, je vous en parlais d'une meuf. Elle s'appelle Lilou. Au début, pendant des années, j'ai parlé avec elle bien. On était tranquille, on rigolait, on passait des bons moments. Même Gabi, quand je venais avec lui en voiture, il t'insultait. Et aujourd'hui, tu lui cites la bite à ce chien. Tu cites la bite à ce mec. Pendant des années, tu m'as dit, Mélina, t'inquiète pas, personne ne voudra d'un mec comme ça. Personne ne voudra d'un mec comme ça. Il n'est pas, voilà, il est fait que pour toi. Et aujourd'hui, j'apprends que madame va chez lui, sort, va en voiture. C'est normal, je suis jalouse. Ouais, je suis jalouse, c'est normal. C'était mon mec pendant 10 ans. On a vécu quand même des choses. Allez, on va dire assez. Allez, sur 20. Allez, 10 sur 20. C'était potable quand même. Mais c'était quand il était en prison. Et toi, tu viens de nulle part. Dès que tu m'entends, tu m'appelles Maradona, tu m'insultes, tu m'appelles par mon prénom, ta voix satanique. C'est pour ça que je t'appelle Lucifer. Ne t'inquiète pas, Laruto, ma pauvre chérie. Moi, ce que j'attends auprès de Dieu, Inch'Allah, c'est que tu vas être puni. Tu vas être puni comme lui va être puni. D'accord? Maintenant, je vais parler de Gabi. Quand il m'avait ramené dans les endroits insolites du 93. Ça, je m'en rappellerai. Dans les endroits insolites, dans des paliers de portes. J'ai dormi dans des... chez l'habitant, voilà, comme je dis dans mon premier témoignage. J'ai dormi dans les cages d'ascenseur, mais à côté. il m'a emmené que dans les endroits où je pouvais bien dormir peut-être, parce que j'avais une bonne étoile et je l'ai toujours. Dieu merci, j'ai une bonne étoile. Gadi, dis-leur aux gens du réseau les coups de traître aussi que tu m'as fait, mais moi les coups de gentil que je t'ai fait. Hein? C'était mauvais de ta part d'avoir fait ça à Mélina. Faire dans un réseau, de se taper une autre meuf pendant que moi je souffrais le martyr. Hein? Surtout, ça fait du mal à qui? Et à qui t'as menti le plus? T'as une gamine de 13 ans. Où tu lui as dit, oui, t'inquiète pas, on va vivre heureux, je suis sortie de prison, t'inquiète pas, ma petite Lily, on va faire tout ensemble. Ta mère, ça va être ma future femme, on va tout faire ensemble. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte dans le réseau et il parle sur moi, blablabla. N'oublie pas que pendant des années, tu m'as mangé la grenouille. Pendant des années, on a ensemble et après tu disais non, t'inquiète, si on va pas voir ailleurs l'un ou l'autre, t'inquiète pas, c'est pas de la fornication. Mais j'ai demandé à des gens autour de moi. Et carrément, ils m'ont dit stop, stop Yasmine, arrête. Arrête de faire ça, arrête. C'est de la fornication, ma belle, arrête. Tu vas aller droit dans le mur, tu vas aller en enfer, tu vas aller dans ta tombe. Arrête de faire ça. Hein? Baby Youssef, tu m'as fait ça. Pourquoi? Je vais hériter quoi pour faire tout ça? Et après, t'as des femmes, la girafe, qui dit oui, avec leur accent, oui. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec une femme comme toi? On dirait un bonhomme. Et tu n'as plus enfanté. Mais la girafe, je t'emmerde, l'avocat du diable. Je t'emmerde et je t'emmerde. Trois fois, je t'emmerde. Moi, maintenant, je sais que ici, la plupart, c'est des rebeux en carton, des sales arabes en carton, qui, si ils avaient quelque chose à se reprocher, ils ne mettraient pas autant de censure H24, comme Ilyes, comme la Soulange, comme pas mal de gens. Mais vous savez que le revers de la médaille, ça fait très mal. Et le retour du boomerang en pleine gueule aussi. Vous oubliez de vous dire un truc sur Gabi. Vous savez, quand il m'a mis en 2013, j'ai la date, hein, j'ai une très bonne mémoire. C'était la nuit du 23 avril au 24 avril 2013. Il était rentré un soir déchiré par l'alcool. Mais quand je vous dis déchiré, mais j'ai déchiré les amis. Et après, il m'a grillé au téléphone les amis. Il m'a grillé au téléphone. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais dans le réseau? J'ai dit mais arrête! Je suis avec mon frère moi-même, je te promets, je ne suis pas dans le réseau. Moi, quand j'ai décidé de me poser avec toi, j'ai décidé d'arrêter le réseau. Quand on a emménagé le 28 janvier dans cet appartement, il dit, c'est une menteuse, t'es dans le réseau. Qu'est-ce qu'il a fait après, les amis? Il m'a pris le téléphone des mains. Il m'a pris le téléphone des mains. Ma fille, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi tu cries? Je te promets, ma fille, il m'a pris mon téléphone. Après, il est venu vers moi, il a pris le téléphone violemment. Il l'a balancé du 3e étage dans notre premier appartement qu'on avait trouvé, les amis, le 28 janvier 2013, je me rappelle. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'étais parti courir vite dans ma salle de bain, j'ai protégé ma fille. Mais manque de peau, il nous a récupérés, il a voulu casser la porte de la salle de bain. Il l'a ouvert violemment, ma fille, elle a été appelée son père, mais c'était trop tard. Il m'avait déchiré l'œil gauche et le nez d'un premier coup de poing dans ma salle de bain. Après, les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que ma fille, elle a eu peur. Elle s'est mise en travers nous pour nous séparer, Youssef et moi. Et qu'est-ce qui s'est passé après, manque de bol? Et après, quand elle a appelé son père, c'était trop tard, je vous ai dit. Il m'a remis un deuxième coup de poing dans le salon. Et ma fille, comme je vous ai dit, a voulu nous séparer. Elle s'est mangée quoi? Pas de coup. Mais il l'a bousculée violemment contre le radiateur qui se trouvait derrière la porte de la salle à manger. Voilà, les amis, la vraie version. Et c'est comme ça, tellement qu'on a hurlé. Monsieur avait peur que j'appelle la police. Il a cassé la clé dans la serrure de la maison. Moi, tellement que j'ai hurlé, c'est pour ça qu'après j'ai pris le voix comme ça, mais pas grand merlèche. C'est comme ça que monsieur Lamar, Youssef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a la clé dans la serrure, ma fille et moi, on avait tellement peur que cette fois-ci, la voisine marocaine qui est sortie de son palier en disant « Yasmine, Yasmine, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi vous criez, toi et ta fille ?» Je lui ai dit « Khalki, ça veut dire ma tante, appelle vite la police. Youssef vous a enfermé, il a cassé la clé dans la serrure. Pensez-vous, si j'avais été au rez-de-chaussée, celui-là qui est intelligent, il dit « Mais elle aurait sauté, on aurait pu se sauver. » se réfugier à l'époque. Il habitait au lac du Val-de-Marne. Moi, j'habitais au troisième étage à l'époque. Alors, vous pensez bien, les amis, que je vais pas faire le saut de l'ange pour lui faire plaisir, hein. Vous voyez, avec une gamine de 13 ans, sauter du troisième étage pour me sauver de ces griffes de ce... Bon, bref. Moi, je sais que la voisine, après, elle a appelé la police. Non, aidez-nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé les CRS, ils ont appelé les pompiers. Hein? Parce que monsieur était très dangereux. Très, très dangereux. Oui, je voulais vous dire, les connectés, pardonnez-moi de cette coupure, mais comme je disais donc, le mec, quand les flics, ils venaient d'arriver avec les policiers, avec les pompiers, avec les CRS, carrément, hein, vous vous rendez compte, des CRS, hein. Ils étaient en bas de l'immeuble avec leur échelle. Avant qu'ils montent, lui, il voulait lancer la police d'en bas. Non! Ah, j'ai rien fait, je l'ai pas tapé, c'est pas vrai, allemand. Le mec, la police a dit non, mais ça vous inquiétez pas, on va pas vous interpeller, on va rien faire. Mais laissez ces pauvres femmes tranquilles, elles vous ont rien fait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour se défendre? Quand on a emménagé dans cet appartement, monsieur avait installé des plaques métalliques pour accrocher tout ce qui est couteau de cuisine sur le mur. Et je vous promets devant Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Tellement qu'il voulait s'en débarrasser, ben il les a jetés aux flics. Je vous promets, il les a jetés aux flics. Il a jeté des couteaux à pizza, il a jeté des couteaux à steak, mais Dieu merci, il n'y avait aucun blessé. Hein? Et cette chienne de Lilou, elle dit non, c'est pas vrai. Mais t'étais là pour voir, sale pute. T'étais là pour voir, sale putain de merde. Tu étais là pour savoir si il avait jeté quoi qu'est-ce sur la police. Moi, j'étais là. Ma fille aînée était là. Elle était jeune à cette époque-là. Jeune, elle avait 13 ans, mais ce qui est 13 ans. Hein? Police, quand ils ont réussi à l'interpeller, les CRS, après une demi-heure, les amis, une demi-heure avec leur bélier, bah, bah, même ça a réveillé presque tous les voisins de mon immeuble. Tous les voisins de mon immeuble, ils étaient réveillés. Mais ils ont réussi à casser la porte palière, à interpeller monsieur Youssef, l'ont mis à terre avec des lumières rouges sur le corps. Ils lui disent, vous, voilà quoi, ils l'ont interpellé au sol. Le corps, carrément, la cuisine, sans dessus-dessous. On avait fait les courses, je me rappelle, deux jours en arrière, il avait tout renversé, que ce soit les petites barils de lessive, que ce soit le chocolat en poudre, que ce soit toutes les courses. Et aujourd'hui, maintenant, il vient dans un réseau comme celui-là, à m'insulter, me tailler. Et après, quand il a été par monsieur Adam, qui était brigadier du commissariat où j'habite, il lui a dit, c'est quand même votre compagne. Je vais vous montrer une photo, comment vous l'avez rendue. Il lui a remonté comme ça avec la main droite. Vous vous rappelez de cette personne? Au début, il dit non, c'est qui? Qu'il était encore un peu alcoolisé, vous voyez? Il voulait sortir de dégagement. Alors, comme il a passé les 48 ans en garde à vue, il lui a dit, je répète une dernière fois, est-ce que vous vous rappelez de c'est qui cette personne? Après, comme par hasard, les amis, il a réussi à reprendre la mémoire. Il a réussi à retrouver la mémoire. Oui, oui, c'est ma compagne. Vous avez vu ce que vous lui avez fait? Non. C'est moi qui ai fait ça. Le brigadier, il l'a regardé, il a dit, vous le prenez pour un coup, quoi. Bien entendu, c'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui avez fait ça, madame. Bah, elle nous dit que c'est vous. Ça peut pas être le Saint-Esprit. Vous avez cassé la clé de sa serrure. Elle va pas sauter par la fenêtre pour mentir et pour se tuer pour vous. Et avec sa gamine de 13 ans. Mais comme ma fille était 13 ans, elle était mineure, moi, personnellement, je vous ai arrêté, les amis, j'ai pas apporté plainte. Mais comme j'avais la garde de ma fille, ce week-end-là, et mon ex-mari qui avait officiel, c'est mon ex-mari qui a porté plainte pour elle. Parce qu'elle, elle avait 13 ans. C'est comme ça qu'il a pris la séjournée à Fresnes. Ils l'ont carrément condamné le 24 avril 2013. Parce que l'effet s'est passé le 23 avril. Mais de la nuit du 23 au 24, le jeudi, hein, c'était un jeudi, ils l'ont interpellé chez moi, à mon domicile. C'était pas chez nous, c'était chez moi. Il n'y avait que mon nom dans ce pays. Après, les mois passés, il a fait ses journées à Fresnes. On s'envoyait des courriers, malgré que j'étais la victime, hein, les amis. Hein. On s'envoyait des courriers. Il me disait pardon pour ce que je t'ai fait. Quand je sortirai du prison, du mitard ou je sais pas d'où, je te promets, on va arrêter les réseaux. Je vais arrêter l'alcool, je vais arrêter de... Après, je sais pas si seul je le sais, s'il a pris d'autres choses. Mais en tout cas, il m'avait que des promesses, mais dans le vent, les amis. Mélina Yasmine ne dit pas de mensonge. Il a laissé derrière lui un passé super douloureux. Super douloureux. Il m'aurait dit dès le départ, quand je suis venue le voir la première fois au parloir, il aurait dû me dire, ne m'attends pas, va refaire ta vie, alors qu'il est, je serais même pas là dans ce réseau. Ou en train de parler de lui, peut-être je ferais du réseau, mais je parlerais même pas de lui. Là, vous savez quoi? C'est lui qui m'a appris cette devise. Et je l'ai encore en moi, dans mon âme et conscience. Il me l'a toujours dit, même quand on était en voiture. L'amour, ça tue. L'amour, ça tue. Mais la haine, je vous assure, j'ai tellement la haine que ça maintient en vie, je vous promets. Maintenant, ce que je vous dis, les connectés, hein, ce mec-là, c'est un manipulateur. Comme j'ai dit dans mon premier témoignage, c'est un manipulateur. Il voulait, c'est une femme qui a des enfants, une situation et qui avait de l'argent de côté. Et surtout, surtout, qui avait des valeurs au début, de la dignité. J'avais ma fierté de femme. Mais là, aujourd'hui, je vous jure, les connectés, que je me regarde des fois dans un miroir et arrêtez de croire cette pute de Lilou qui a dit « Mais vous avez cette femme, elle est connectée H24, faut pas la croire !» Pas la croire, je suis peut-être connectée, c'est vrai, mais je me lave, elle est... Je connais pas le savon. Mais moi, alors qu'il est, j'ai ouvert les yeux grands. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand le 7 avril dernier, quand on a été au tribunal pour ma mesure de protection contre cet individu. Je ne peux même plus appeler ça un homme. J'appelle ça cet individu. Eh ben, je vais vous dire la vérité, moi, les amis. Le mec, il est venu les mains dans les poches. J'ai montré une photo à mon avocate. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, madame. Dès que je le vois, je vous préviens. 5 minutes après, j'étais assise tranquillement. Je me rappelle, j'étais au téléphone avec ma petite puce. Elle m'a dit, madame Adag, raccrochez votre téléphone, votre ex est derrière vous. Je me suis retournée tout doucement, effectivement il était là ce sale type. Il était avec un gilet jaune, son crâne rasé à blanc, son vieux bouc et sa tenue de travail et ses fonds de sécurité. Tellement qu'il est venu seul, et dans le réseau il me dit qu'il avait un avocat. Et non les amis, il est venu les mains dans les poches. Il est parti même demander conseil à des consoeurs de mon avocate. Il lui a dit, et mon avocate lui a dit non, moi je défends madame avec ses allocations d'assurance handicap qu'il nous a payées. Deux avocats j'avais ce jour-là. Deux avocats. Et pour vous dire encore de plus, quand l'avocate et moi nous sommes rentrés dans la salle d'audience, parce que c'était à huis clos, il n'y avait que la greffière, la juge, quoi la JAF, plus cet individu et moi et l'avocate. Je vous promets que c'est la vérité, je vous dis. À un moment, j'ai paniqué un peu, elle m'a dit calmez-vous. Et lui, c'est un fils de pute. Il avait son téléphone dans sa poche. Il n'était même pas connecté dans le réseau, les amis. Il était connecté avec cette chienne de guerre de Lilou. Voilà. Et moi, je le savais qu'il avait son téléphone. J'avais un ressenti. J'aurais dû dire à l'avocate, maître, avant de commencer, je voulais pas dire à la vérité de ses poches. Et j'ai oublié de le faire. Mais quand elle a sorti, qu'est-ce qu'il m'a fait dans le passé? Les coups qu'il m'a donnés, les menaces de mort qu'il a fait en 2021 sur ma fille aînée, qui a 21 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Des menaces de mort sur moi-même aussi le 16 février 2021. Des enregistrements horribles. C'est dommage que je ne peux pas vous faire écouter au moins un message. Vous aurez été étonnés. Mais il y a toujours les messages vocaux. Mais c'est sur écrit. Mais malheureusement, avec mon handicap, je ne pourrais pas vous les lire beaucoup. C'est marqué trop petit. Mais ma fille, elle a des messages vocaux. Si je peux me permettre aussi, les amis du réseau. Hein. Je le dis haut et fort, moi, j'ai peur de rien. Je crains que Dieu, moi. Ce mec-là, c'est un manipulateur, je me le répète peut-être. Mais c'est un chien de la casse. Il a réussi à manipuler une femme comme moi, des enfants. Il a fait des promesses à mon ex-mari, il me dit non, t'inquiète pas, moi je l'aime beaucoup. Je ne profiterai jamais de sa gentillesse ou sa faiblesse. Dès qu'il est sorti de prison, mon ex aussi m'a fait confiance. Il m'a dit, je te laisse nos enfants, mais s'il y a quoi que ce soit, renvoie-les-moi. Et ce maudit jeudi 24 avril, c'est un mercredi, autant pour moi, excusez-moi. C'est là que tout a basculé. Et après, quand il était en prison, moi, je l'ai pardonné. Je suis venu le chercher, que Dieu m'en soit témoin, je suis venu le chercher à la maison d'arrêt. Je suis venu le chercher, malgré mon handicap vie. Je suis venu le chercher de Créteil à Fresnes. Je suis venu le chercher le 24 février 2014 à la maison d'arrêt de Fresnes. En pleine nuit, j'ai réussi. En plus, c'était en travaux. Le pont de Créteil, il était en travaux. J'aurais pu passer par-dessus bord ou il aurait pu m'arriver quelque chose. Mais Dieu merci qu'il était là. J'ai été jusqu'à là-bas, toute seule. 3 bus j'ai pris. J'ai pris de chez moi à la station pour aller à Créteil Université. Université, j'ai pris un Transval de Marne jusqu'à la Croix de Berny. Je suis descendu à Petit Fresnes. Et à Petit Fresnes, j'ai pris un autre bus qui avait 2 stations jusqu'à la maison d'arrêt. Et aujourd'hui, regardez, quoi plutôt écouter ce qu'il me fait. Mes photos sur les blogs, il envoie des photos de moi, des mecs du réseau comme le bâtard d'Iliès, j'ai la dalle, comme Malik 94, comme la pute de Lilou. Ils font des snaps. Il m'envoie tout, Maradona. Regardez comment elle est. Elle a commis l'adultère, elle a fait ciel son mari, elle a fait avec des mecs du réseau pour 30 euros. Pourquoi? Pourquoi, Youssef, tu m'as fait autant de mal? Et je le redis, cette devise. L'amour, ça tue, c'est vrai. Je suis malheureuse. Mais la haine, ça maintient en vie. Après cet enregistrement, de toute façon, c'est le Ramadan mardi prochain. Ça veut dire demain, mardi. Là, vous n'allez plus m'entendre pendant un mois. C'est vous, les maghrébins en carton dans le réseau. À part un mec. Après, je sais pas comment il est dans la vraie vie. Moi, on m'a dit qu'il était peut-être malheureux, c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. C'est Kamel, du foyer. Tous les vendredis, on l'entend pas à partir de 14h. Il va faire sa prière du vendredi. Après, il vient dans le réseau. Mais la plupart des autres bœufs en carton, du réseau, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils sont sur, ils insultent, ils avancent. Mais tout ça, c'est pas mon problème. Ce sera entre eux et Dieu, tout ça. Moi, je sais que je vais le faire demain. Pendant un mois, je viendrai pas. Je viendrai peut-être le soir, de temps en temps, faire un petit coucou à quelques personnes comme Mirabelle, comme Marilyn. Ça, c'est des femmes bien. Ça, je les aime beaucoup. Hein? C'est pas comme certaines personnes qui parlent de moi, H24. Tu rigolais avec moi de Nabila, je parle de toi. Et dès qu'il y a des gens qui disent Nabila le travelot, Nabila le travelot, c'est vrai. Devant moi, tu rigoles. Tu me dis non, t'inquiète pas, ils se sont jamais vus. Elle habite à 5 minutes de chez moi. Gros menteur, tu peux me permettre de dire ça. Nabila était un transsexuel, c'était un homme. Tu n'es qu'un travelot. Moi, je t'ai fait confiance, Nabila. J'ai eu confirmation que c'est un mec, un trans. Nabila était un transsexuel. Mais en vérité, t'étais deux mèches depuis avec cette pute de Lilou, cette confin-là. Et après, elle parle de la religion, cette fille. Elle dit, c'est moi qui ai peur. Je crains Dieu. Moi, tu m'as dit au début, t'inquiète pas, personne ne te prendra, ton Gabi. Et aujourd'hui, j'apprends des choses qui m'ont fait mal. Moi, je voulais pas le quitter au mois de janvier. C'est quand j'ai appris des choses et quand Dieu m'a ouvert les yeux le 1er janvier, j'ai dit, non, il a pas osé faire ça. Et devant la juge, moi, on m'a posé une question, le juge, moi, des affaires familiales, avant de me le donner, gain de cause, et elle m'a dit, c'est à vous qu'on remet la protection, éloignement, avant ton jugement. Quand j'ai su ça, je suis tombée de haut. T'as dit à la juge que ça fait 2 ans et demi que t'es avec quelqu'un d'autre, et ça fait 2 ans et demi que j'ai plaqué madame. Mais pourquoi tu mens comme ça? Et après, elle t'a posé une question. Mon avocate, elle a vu que tu mentais, hein. Elle a vu que tu mentais. Même la juge, même la greffière, mais l'avocate ou la juge, mais la juge, elle t'a posé une question. Elle fait autant de mal comme ça. Pourquoi vous ne l'avez pas quittée depuis 2013? Elle ne serait pas comme ça aujourd'hui, à vous traîner en justice. Mais moi, comme j'ai dit aujourd'hui hier, que ce soit Désirless ou à Mirabelle ou à Marilyn, on verra le 21 mai qu'est-ce que tu récolteras. On verra le 21 mai qu'est-ce que tu récolteras. Moi, je sais, tu m'as fait très très mal en 2013. Quand tu m'as cassé le nez, quand tu m'as donné 2 coups à mon œil gauche qui est très très très malade, où j'ai perdu 4 dixièmes, où tu as fait des... Après, moi, je t'ai pardonné en 2013. Mais t'as recommencé de plus belle en 2017. Si ma mémoire est bonne, je me rappelle plus quelle date c'est, malheureusement. Mais la juge, elle le dira. Elle le dira. Mais j'en suis sûre, je ne vous mens pas, les amis. C'était en 2017. Il a menacé mon fils, ma chair et mon sang. D'accord ? Il m'a menacé, mon fils, en 2017. Raccrochez-vous, les amis. Accrochez-vous avec un tournevis, les amis. Il a menacé mon fils avec un tournevis. Il a entendu une violente dispute à cause de ce mec qui était en train de boire encore. Je lui dis, arrête, chérie, de boire. Mon fils, il dort à côté. Mon fils, il s'est levé. Tu l'as menacé avec un tournevis, chérie. Aujourd'hui, c'est un colosse d'1m77. Il m'a dit, maman, il te fait du mal. Crois-moi, je vais lui faire la misère. Je lui dis, non, mon chéri, laisse la justice s'en occuper. Après, les années ont passé, je t'ai encore pardonné. Arrivé 2018, tellement que j'avais peur de toi, j'étais obligée de retrouver un autre appartement. Dès que moi, tu retrouvais un autre appartement, t'as recommencé de plus belle. En septembre 2018, un mois que j'ai eu l'appartement, tu m'as mis un cure-dent dans ma serrure. Tout ça parce que je faisais du réseau. C'était rabat, tu balançais mon numéro. Après, dès que j'ai balancé ton numéro à ce bâtard de Zorro, tu peux appeler ça Zorro, un rebeu, mais Zorro, c'est un français. Et c'est un camembert, son pseudo, à l'ancienne. C'est camembert. Bon, bref, mais je connais rien de lui. Mais toi, t'es venu mettre un cure-dent dans la serrure. Et je t'ai encore pardonné, je dis, c'est pas grave. On va jouer à l'assurance habitation. Je vais la faire jouer. Ils sont venus me mettre, même pas un mois après, une nouvelle serrure. T'as recommencé de plus belle en 2019. En 2019, dégradation dans mon immeuble. T'as dégradé toutes les boîtes aux lettres. T'as dégradé toute la fenêtre de l'entrée. T'as dégradé, t'as écrit une espèce de clé ou cutter. T'as écrit mon nom de famille sur la porte palière. T'as déchiré tout ce qu'il y avait, t'as brûlé même ma porte palière. Il y a une grande brûlée en bas de la porte. Et je t'ai encore pardonné. Je dis, oh, c'est pas grave, on va se remettre ensemble, c'est sûr. Tu m'as dit, Yacine, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Non, c'est pas grave. Moi, ce que je veux que t'arrêtes, c'est l'alcool. Après, ce que tu fais derrière, si tu prends des stupéfiants, seul je le sais. Mais l'alcool, Youssef, arrête l'alcool. Tu m'as dit, oui, je te promets, j'arrête. Et non, t'avais recommencé de plus belle. J'ai reporté plainte en mois de mai 2020. T'as recommencé. Malgré que j'ai changé d'appartement, on était chacun de notre côté. Dès que je te voyais connecté, tu prenais des snaps de pute. Comme Lilou, Trump, pas mal de meufs d'ici, ou du 32-14, oulala, ou t'allais sur Lovoo, un site de rencontre, où tu m'as fait très très très mal. Moi je parle avec des mecs parce que je t'entendais comment t'étais, toi, avec les meufs. Sonia de Lyon, t'avais des photos quand t'étais tenue, t'allais en duo privé avec Elodie Morel, ou je sais pas comment elle s'appelle, d'Orléans. J'avais les bouches des mouchards avec un mec, il a toutes les meufs autour de lui. Mais merde, réveille-toi Yacine, qu'est-ce que tu fais là? Moi j'ai dit, je parlais avec d'autres mecs, mais jamais j'ai pris des numéros de téléphone, je te l'ai toujours dit. Après, quand je voyais ça, ça me dépassait mes bornes. J'ai été dans le 32-14, c'est vrai que j'ai pris le numéro de téléphone de celui qui est handicapé visuel que moi, que tu insultes des fois, patoche. C'est tout. Il n'y avait aucun autre mec à qui j'ai pris le numéro. Mais j'ai pris des snaps. T'as été dans des sites de rencontres, comme je disais, donc, Lovoo, tout ça. T'as fait des duos, t'as fait des forums privés. Tu m'as dégoûté, Youssef. Je te promets, tu m'as dégoûté amplement. Et après, en 2021, t'as recommencé de plus belle. Et tu me dis que t'as passé la Saint-Valentin avec Lilou, toi. T'as passé une Saint-Valentin. Toute la nuit de la Saint-Valentin, dans le moque, dans le feya, tu m'as laissé des messages vocaux sur mon fixe, parce que t'avais pas mon portable. T'avais beaucoup sur le portable de ma gamine, sur son 06, la pauvre. Une gamine de 21 ans où tu lui as fait des menaces de mort. Toi, la grosse pute, ta grosse batata qui a arrêté l'école en quatrième, tu l'as traitée sur son physique. Tu lui as dit, toi et ta mère, la pute, je vais vous brûler vif. Et ça, direct, on a été au commissariat. Mais comme la brigadière, elle n'était pas dispo, on a été le lendemain, en 2021, oui. Mais le 16 février. Et tu me dis, ça fait 2 ans et demi que t'es avec une nouvelle compagne. Ça fait même pas longtemps. Tu mens aux gens du réseau. Tu devais aller avec moi la voir, cette fille. Je m'as dit, mais Yasmine, on va y aller voir Lilou, on va aller voir Ayaya parce qu'elle se fait tailler par ce mec. J'ai dit, oui, chérie, il n'y a pas de problème, avec du plaisir. Comme par hasard, le jour où il est arrivé le samedi, je t'harcelais. Et la voir tout seul, hein. T'as forniqué avec elle derrière mon dos pendant que aussi je forniquais avec toi. Mais c'est dégueulasse ce que tu m'as fait. Et crois-moi, ça, tu vas le payer aux yeux de Dieu, tout le mal que tu m'as fait. Moi, je parle pas trop, comme j'ai dit à Desserles ou à Mirabelle ou à Marilyn. Parce que j'ai peur que ça se retourne contre moi. Mais l'enregistrement, en tout cas, t'inquiète pas, la personne, elle va le faire tourner dans le réseau. Et crois-moi, le revers de la médaille, ça fait très très mal. C'était Melina 94 pour Bavarois Fragolade. Pour tous les mécréants du réseau, que le réseau, hein, et les donneurs et les manipulateurs, comme Iliès et Gabi 2. Bisous. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Tu peux attendre dimanche, on se branler. Si tu penses me faire enculer.